Le laboratoire, dans le Nouveau Monde, en pleine forêt. Les humains avaient construit un laboratoire en pleine forêt. Pour quelle raison? Ça donnait à quelques expériences douteuses sur des animaux? Non, plus grave encore. Je montais sur la grande table. Ratis tournait en rond au sol. La lumière de la lune traversait la lucarne. Tout ici était si gigantesque. Devant moi, des bocaux renfermaient ce qui auparavant avait été des baies-fruiches. Alors, Squeak, tu comprends maintenant? Tu assimiles, tu réfléchis encore? Non. Il semblait dormir, les yeux fermés nageant dans un liquide blanc, les bras recroquevillés sur le torse, une immense cicatrice au ventre. Qu'avait-il pu subir? Voilà pourquoi finalement toi et moi, nous sommes si proches. Ce n'est pas vrai! Les humains sont capables de grandes choses, non? Et moi aussi, je veux faire de grandes choses. Il y a en moi ce qui coule en toi. Nous ne sommes pas des rats normaux. Non, je suis comme toi. Continuons dans l'histoire, Mela. Continuons dans l'histoire des Baefwish. Et elle passe par celle de Ratis. Les hommes, ils étaient passés par Éole et ils avaient vu les creuseurs présents. Ils les avaient enlevés, intrigués par des êtres si petits. Et des machines. Ils ont pris des animaux, ils ont pris... Cela ne te rappelle pas ce que nous sommes. Tout comme nous. Les humains agissent par curiosité. Et ils prirent ce qui n'était pas à eux pour l'assouvir. Et parmi eux, Ratis. Ce rat me semble idéal. Ouais, je sais pas. Mais si, je le sens. Allez, on passe au bloc. Les jours passaient, les mois, les années. Couine pas, ça sert à rien. Passe-moi du sérum. Voilà. Merci. Et les âmes réalisèrent l'inimaginable. Crois qu'ils vont survivre? Je sais pas. Intrigués par les Baefwish, leur intelligence, leurs machines, ils les étudièrent, les disséquèrent comme de vulgaires animaux. Et ils finirent par les croiser avec. Les rats, Squeak. Les rats résistent à tout. Ils portent des maladies. Ils n'en sont que très rarement victimes en grand nombre. Les rats Squeak sont promus à un grand avenir. Les hommes créent des pièges pour eux, des aliments qu'ils empoisonnent. Mais nous avons assez d'intelligence pour leur échapper. Chaque troupeau utilise son goûteur. Ils goûtent l'aliment, décèdent dans des souffrances inimaginables. Mais le reste de la colonie survit en se nourrissant ailleurs grâce à son sacrifice. J'avançais vers les bocaux. J'ai posé mes mains sur le verre. Ils dormaient. Tous les Baefwish dormaient. Ça peut pas être possible. Si une race, une seule devrait survivre, ce serait la mienne, Squeak. Et avec ce que ta race m'a légué, un brillant avenir s'impose à moi. Les humains, Squeak, ils m'ont offert une certaine intelligence. Les humains. Mais ils m'ont aussi offert cette fabuleuse souffrance. Il n'y a aucun changement physique. Et intellectuel? Ouais, trop tôt pour le dire. Les humains testaient tout et n'importe quoi. Leur curiosité étouffait. Leur intellect. Alors, ça va toi, mon gros hibou? Oui, c'est ça, t'es beau. Allez, tiens, Pierre-Jean-Grégoire. Il y avait là bon nombre d'animaux différents, et tous subissaient. Arrête avec ton hibou à la con. En plus, il est ridicule comme nom, viens plutôt m'aider. Quoi? C'est bien, Pierre-Jean-Grégoire, moi ça me fait marrer. Hein. Et arrête de lui donner des rats à bouffer. Ce sont des cobayes, pas des amuse-gueules. Ouais, c'est la nature, et en plus on en a plein, des rats, alors... Un de plus ou de moins. Les années passèrent, Mela, des années de souffrance. Moi, je ne cherche pas à excuser les rats pour ce qu'ils ont pu faire dans les cavernes, mais il est utile d'avoir tous les éléments en main pour juger. Des années de souffrance pour enfin un jour. J'ai terriblement mal à la patte. Je vais rentrer chez moi. Ne vous inquiétez pas. On va partir. T'es qui, toi, hein? Pour dire qu'on va rentrer chez nous? Je peux même plus marcher. Je suis Ratis. Ouais, c'est ça. Je dis pas enchanté. Ah, j'ai trop mal. Et c'est toi qui vas nous aider à nous enfuir, peut-être? Ouais. C'est moi qui veux vous faire partir d'ici. Je ne pouvais pas le croire. Tout s'entremêlait dans ma tête. Depuis que j'avais quitté Wish City, il s'était passé tellement de choses. Et là, des Baif Wish. Comment pouvait-il y avoir des Baif Wish dans ce monde alors qu'aucun gnome n'avait pu sortir de Wish City? Les Baif Wish avaient découvert le nouveau monde avant Booz, Mila et moi. Comprends, Squeak. Tu n'es pas le premier à être venu ici. Et par nos différents duels, par ce qui a pu nous arriver, par ce qui arrive maintenant, notre destin est... lié.